Kang Yong-il, secrétaire général adjoint du Comité olympique de la République populaire démocratique de Corée, a accordé une interview le 13 février aux correspondants de la succursale de l'AFP et de l'APTN en Corée et de l'Agence télégraphique centrale de Corée relativement à la sanction appliquée sur le secteur sportif de la Corée. Il a expliqué comme ce qui suit. Améliorer la santé de la population et développer les sports du pays pour ainsi bâtir une puissance sportive et une puissance hautement civilisée, voilà la politique du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée et l'aspiration du peuple coréen. Or, dans le but d'isoler et d'étouffer notre République, les forces hostiles, les États-Unis en premier lieu, ont fabriqué les résolutions de sanctions illégales contre la Corée à 6 reprises depuis 2006 au Conseil de sécurité de l'ONU, sous prétexte du problème nucléaire. En mars 2016, ils ont adopté de force la résolution numéro 2270 contenant jusque les articles de luxe et les matériels de sport de masse. Prétestant l'application des résolutions, certains pays publient des résolutions ou décrets sur les articles d'embargo à destination de la Corée et interdisent la vente des matériels et installations sportifs dont ski, yacht, brodequins d'alpinistes, motoneige, machines dameuses et tables de billard. D'autre part, les États-Unis et leurs suivistes créent des obstacles en coupant la voie de transfert de fonds en vue d'empêcher la coopération financière offerte en Corée par le Comité olympique international et les autres institutions sportives internationales en faveur du développement du mouvement olympique et des sports dans les pays membres. Il s'agit de leur but politique scélérat d'empêcher les échanges sportifs entre la Corée et les autres pays, voire de restreindre notre participation aux Jeux internationaux, notamment aux Jeux olympiques, pour nous éliminer du monde de civilisation moderne et plus loin d'effondrer notre régime. Devant cette situation anormale vis-à-vis des sports sacrés et inviolables, le monde est tenu de savoir correctement que les sanctions sont des actes anti-humains, sauvages et cruels, visant à détruire la civilisation moderne et à faire tourner le monde vers les ténèbres du Moyen-Âge.